Ça, c'est bien gentil à toi. Oui, mais pourquoi c'est frappé, Gilles? Ouais, ouais, moi, j'aurais bien voulu. Seulement, la maman a donné le fer à Brice à la récupération. Ça, c'est bien, ça, dit. On te félicite. Oui, mais alors, si ça n'est pas des Brice, qu'est-ce que tu nous apportes dans ce paquet? Bon, c'est deux, trois lettres que je voudrais qu'on les regarde ensemble ce soir. Attends, ce qu'on pourrait pas voir, hein, tranquillement. Ouais. Enfin, pour une fois, on va faire d'abord une petite séance sérieuse. Vous comprenez, on a cette séance de la municipalité mercredi prochain. Et comme il y a deux, trois affaires assez délicates, ben, j'aimerais bien avoir votre avis savant. Le cœur de Granisset vient d'en faire le fendant avec son opposition habituelle. Il trouve à qui parler. Parce que tu te sens pas capable de parler tout seul ou quoi? Mais que oui. Seulement, il y a des cas où le syndic doit se mettre en dessous du débat. Je dois être neutre. Oh oui, tu veux être neutre, mais quand même commandé. Et pardonne. Est-ce que pour toi être neutre, ça veut dire qu'on n'a point d'opinion ou quoi? Non, ne songe jamais ça dit. Alors, pour ce qu'il faut, je serai neutre, c'est-à-dire que je me tairai. Mais je compte un peu sur toi, c'est entendu, je le reconnais. Puis aussi sur le secrétaire. Ouais, quitte à me tomber dessus si ça ne passe pas, on le connaît, le vieux remarque. Ouais, t'as pas partout, surtout pas le tragique. Ça ira tout seul, je te garantis. Ah, voyons voir de quoi il s'agit, alors, Laurent Chaunet. Ouais, eh ben voilà. Et il y a d'abord une circulaire qu'on a reçue du préfet. Et c'est comme ça que dans les circonstances actuelles, il faut que les municipalités veillent à ce qu'il n'y ait pas trop de manifestations de réjouissance et tout et tout. Ah ouais. Vous n'avez pas l'air d'accord. Moi, pas d'accord. Allez, bien sûr que je suis d'accord. Oh, ben alors, il a raison, le préfet. Quand on voit toutes ces bastringues qu'ils ont par Lausanne, cinéma, théâtre, concert, Lancine, Zazou et compagnie, c'est honteux. Mais, Kevin, c'est entendu. Mais la circulaire parle aussi des villages. Oui, justement. C'est pas des balles de jeunesse, des vauquilles. Mais alors, t'as vu, puis alors? Ben, je vous en cause en passant, quoi que ça aille de cela. En prendre acte. Avec intérêt. C'est ça, les formules, ben ça regarde le procès verbal. Vous arrangerez, Réja. Et vous nous ferez une lettre comme quoi, on est d'accord. Paradine, qui est trop de fête, ça ne fait pas un pli. Et si chacun faisait son devoir, les circulaires comme ça, ça ne serait même pas nécessaire. Non, ceci dit, ça c'est un détail, il y a une demande pour le nouvel an. Alors, le Conseil fédéral a décidé de l'avancer de 2 heures ou quoi? Mais non, c'est la société de jeunesse pour le bal. Qui dire n'en ferait? Non! Ah, bah, je vous peur. C'est vrai ce comité qu'ils ont maintenant, c'est des gaillards qui n'ont rien d'un train. Autant pas les sociétés de jeunesse se remuer un peu, ça organise ci et ça, elles mettent de la vie, quoi. Tandis que maintenant, quand ils en font une danse en été, et une danse au nouvel an, c'est tout le boulevard. Ah, quelle drôle de mentalité. Ah, c'est pour ça que ça ne m'aurait pas étonné qu'ils renasquent devant le nouvel an. Ne t'inquiète pas, Caviste, ils sont d'accord. Et la municipalité aussi, je présume. Ben forcément. Seulement c'est là que ça se corse. Avec cette tonnerre d'obscurcissement, ça va être toute une affaire pour la grande salle. En quoi? Il y a des frais, ces étoffes, ces rideaux et tout. Qu'est-ce qu'il y a mis dans le bail avec le paquet? Les frais sont à la charge du locataire. Mais alors, qu'est-ce que la municipalité a à faire là-dedans? Si vous me laissez causer, tant de zenoïe, on y arriverait, quoi? Cause. Mais abrège, hein? Bon, le paquet est d'accord de sa supporter, ça ne discute pas. Ça m'en voilà qui fait. On ne sait pas ce qui se passera d'ici à là. Et c'est rude coûteux d'acheter toute cette lingerie dans le cas qu'on ne s'en servirait qu'une seule fois. On n'aura qu'à continuer à obscurcir même si la guerre se finit, pardine. Ça lui amortira ses frais. Ouais. Eh bien, c'est bien d'amortir qu'il s'agit. Oui. Le peintier de Minde, si, pour que ça vaille la peine, il ne pourrait pas refaire une dansée vers la fin janvier, enfin, un petit bal qui ferait assez risque. Enfin, ça l'aiderait à tourner, vous comprenez, n'est-ce pas? Ça, c'est déjà un peu plus délicat. Délicat, pourquoi? Il n'y a qu'à faire une dansée à fin janvier, qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse? C'est bien aussi ce que je me dis. Hein. Bon, alors, adopté. Passons à l'article suivant. C'est que, messieurs, le... C'est que quoi? La circulaire. Quelle circulaire? Et du préfet, on vient d'en parler, contre les divertissements. Ah, ben, c'est décidé, on a pris acte. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On la va s'encadrer ou quoi? N'est-ce pas, je me demande si c'est bien dans l'esprit de cette circulaire de décider de créer un nouveau bal, justement cet hiver. L'esprit. Voyez-vous, Réjean, je sais bien que ça rentre dans votre métier, mais de l'esprit. Il ne faut pas en fourrer partout, surtout pas dans une circulaire, mon Dieu. Oui, c'est vite dit, Carviste. Seulement, c'est là que je vois venir le Nicée, n'est-ce pas? Tu le connais, il est assez porté sur la vertu. Je sais pas parce qu'il a mal à l'estomac, puis que sa femme est présidente du comité des dames, qu'il doit forcément être intransigeant. Le Nicée ne dira pas un mot, c'est moi qui vous le dis. C'est un homme de bon sens, quand même. Mais trop, justement. Parce que voilà quelque temps qui fait démener, n'est-ce pas? Tout lui est bon. Alors, où veux-tu en venir? Interdire cette dansée? Non. Alors, il te faut la permettre, je vois pas de milieu. Mais justement, c'est un milieu que je cherche. Ça arrangerait tout. Pas simple. Voyons voir. Et demain, un bal? Un seul? Oui. Un samedi et un dimanche, bien sûr. Il y aurait bien moyen. Tu as déjà reçu sa lettre? Non, j'y ai dit que je vous en causerai, puis que je dirai d'écrire après. Alors tout va bien. Dis-lui au peintier de demander pour deux balles. Pour deux? Mais charrette, par Dieu, bien sûr que je n'y ai même pas pensé. Il demande pour deux, le Nicée fait son malin, on discute, on transige sur un. C'est simple qu'un diable. Que tu ne sois pas président du conseil de paroisse, voilà ce que je ne comprends pas, car ce qui me perd, c'est le manque d'ambition. Et dis donc, je vois un danger. Hein, lequel? Supposez que le Nicée ne dise rien. C'est probable, et alors? Alors voilà, on sera forcé d'accorder l'autorisation pour deux balles. Alors voilà, et après, ça gêne qui? Évidemment, mais tout de même. Oh là là, Régent, le tort que vous avez, c'est d'embrouiller les questions. Si tout le monde est d'accord, que diable voulez-vous trouver à dire, hein? C'est dans l'ordre, voyez-vous. À l'école, vous êtes forcé d'être consciencieux, d'aller jusqu'au bout de tout. On ne vous blâme pas. Et bien sûr que quand vous recevez à la visite la dictée préparée par le département, vous devez la faire telle que. Mais une fois qu'on a quitté l'école, ça est moins impératif. Une circulaire, vous la traitez plutôt comme un sujet de composition. Voilà. Voilà, un travail d'imagination. Et puis vous savez, on en connaît que s'ils avaient été aussi consciencieux que vous, ben, ils ne seraient plus de ce monde. Tandis que pour avoir fait la part du feu, ben, ils profitent encore et puis ils ne s'en plaignent pas. Vous connaissez le gros Paul Taconnel, soudain? Non, pas du tout. C'est un village où je ne connais personne. Oh, vous n'y perdez rien. C'est un village triste comme il y en a. Puis le Paul, ben, c'est pas un homme extraordinaire non plus. Ça n'empêche qu'il a eu une fois une bien jolie aventure. Pour vous dire qu'il avait eu des malheurs coup sur coup, le pauvre, oui. De ces époques où tout vous tombe dessus, la surlingue, la grêle, la cheval qu'il avait fallu abattre. Est-ce qu'il n'avait pas aussi perdu sa femme? Moi, je crois bien que oui. Enfin, une série noire, quoi. Mais ça l'avait tout abattu. On le voyait qu'il rôdait par le village avec un pied au front. Il gauche quelque chose que les gens se disent. Avec un beau soir, des jeunes qui se promenaient par le bois voient de loin un homme qui branlait tendu à un arbre. En plus, comme je vous dis, c'était le gros Paul qui se brelançait au bout d'une corde, comme ces morceaux de fromage qu'on met dans les trappes à souris accrochés à un fil de fer. Mais les jeunes s'approchent en courant. Ça y est, voilà le Paul qui s'est pendu. Oh, ça devait arriver. Seulement quand ils arrivent près, il voit qu'il était bien pendu, Pour parler plus juste, il était suspendu, ouais. Il avait accroché une corde à une branche, avait fait un nœud coulant, et puis se l'était passé sous les bras. Et alors? Ben rien, il attendait que ça fasse effet. Quand les jeunes savoirs, ils ont comme de juste bien de la peine à ne pas rire trop fort. Qu'est-ce que tu fais là, le Paul? Moi, je me peins qu'il leur fait. Mais tu ne sais pas t'y prendre, qui répond, hein? Avec cette méthode, tu n'en viendras jamais à bout. Vous croyez? Mais on est sûr que la malmite accorde. C'est pas sous le bras qu'il te fallait l'ajuster, c'est autour du cou. Alors ils voient le Paul qui devient tout rouge, puis qui leur fait. Voyez-vous ces roches de gamins me mettre une corde autour du cou? Et alors, est-ce que c'est vous qui viendrez m'aider à souffler ou quoi? Alors vous comprenez raison. Ce que je vous en dis, c'est pour dire qu'il faut jamais s'emballer. Si on peut trouver un moyen qui arrange tout le monde sans faire de dégâts, ce sera toujours la meilleure méthode. Bardine, on dit donc, puisque tu interromps la séance pour raconter des gardoises, ça dit. Il y a mon fils qui vient de revenir du service avec une bien bonne que je vous ai réservée. Alors t'écoute. Paraît qu'un de ces jours, ils avaient de la viande pour dîner, de ces viandes comme il s'en fait que pour les militaires. Oui, oui, de celles qui donnent l'exemple de la résistance. Tout juste. Bref, un de ces spats qu'on n'ose pas se servir du couteau militaire parce que ça le fait chauffer et puis ça grippe le tire-bouchon. Ça fait que toute la compagnie était en train de s'amastiquer au bord d'une route près de la roulotte. Ces gaillards peinaient sans maudire. On en voyait juste un de temps en temps qui se mettait à quatre pattes pour chercher une dent qui venait de tomber. Vous voyez ça? À ce moment, on voit pas qu'il passe le fourrier. Bon, dans le torse, comme il pompe avoir l'air dégagé. Et juste comme il passait devant un de ces tout vifs qui ont toujours du mort de reste. Voilà que la gaillard fait. Dites-moi, voir, Fourier. C'est quoi? Cette vache, est-ce que par hasard vous ne l'auriez pas tuée au garde à vous? Il y a de ces lames parlement de cet extraordinaire. Ça n'empêche que c'est bien utile. Parce que voilà un morceau de spatz qui aurait pu être simplement un très mauvais repas et qui est devenu pour tous ces hommes un magnifique souvenir. Pardon, la bonne humeur, voyez-vous, j'en reviens un peu à cette fameuse circulaire. C'est justement quand ça ne va pas très bien qu'il faut s'en tenir un peu en réserve. Sans quoi, à moi la peur. Bon, puisqu'on en arrive aux souvenirs de service, je vois pas pourquoi je reste en arrière après tout. Parce que ton histoire vient de me rappeler une bien jolie réponse aussi. C'en était un qu'on avait dans notre compagnie à la mob de 14. Un qui avait tout vu puis qui revenait de 5 ans de Légion étrangère. De manière que rien ne lui faisait. Tu lui aurais mis devant lui un homme avec 11 galons qui n'aurait pas remué de nombreux croix. Avec un jour passe le colonel, comme il arrive en général, ne soit improviste, cratera, tout le monde en cupesse, une fuite, par toutes les issues, enfin, il ne reste plus sur la place que mon gaillard. Parce que lui, c'est arrivé, ça le bouleversait autant qu'un tremblement de terre dans le Kamchatka. Mais qui fait que le colonel l'écrit? Et là, vous voyez pas venir au sauve votre capitaine? Non, mon colonel, j'y cause pas. Ce qui fait qu'à cause de ça et à cause d'autres broutilles aussi, le capitaine le tenait à l'œil du Perse. Mais rien de fait. Dans cette légion où il avait pris une de ses techniques pour être toujours à l'ordonnance dans les pires moments, toutes les rubriques qui se tenaient, dans les combinaisons les plus louches, vous l'auriez regardé, que vous auriez dit une ange en train d'attendre qu'on lui ait réparé ses ailes pour s'envoler. Seulement un beau jour, ça s'est quand même gâté. Un soir, plutôt. Vers les 11h minuit, alors que tout le monde était censé pioncer depuis un bon moment, voilà mon homme qui se ramène aux alentours du cantonnement avec un flacon dans une main. Comme de juste. Ça fait qu'il se rôde un peu pour voir comment il fera pour entrer incognito quand il entend du bruit. Ni une ni deux, le voilà qui baisse la tête puis qui s'enfate dans le seul endroit un peu caché qui se trouvait dans le coin. Dans le petit endroit, quoi, pour te dire. Bon, il entre. Et brusquement, il s'aperçoit qu'il n'était pas seul. Parce que le capitaine venait d'entrer par l'autre côté. Position. Puis un de ces silences d'avant la création. Et alors, qui fait le capitaine? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, mon capitaine, je trouve que dans l'armée suisse, on n'est pas large pour les grader. Voilà mon capitaine, un de ces bons types qui riaient dedans, tout de même pris au souffle. Où est-ce que ce gaillard voulait en venir? Vous trouvez? Et pourquoi? Eh bien, mon capitaine, je trouve que puisqu'on vous fournit une chambre, on devrait vous offrir aussi des cabinets à part. Oh, ben l'agréable dans les souvenirs, c'est qu'ils sont le contraire déjà. Les mauvais servants et les bons restes. Hélas. Comment hélas? Vous préféreriez conserver vos mauvais souvenirs? Non, non, mais je me dis que c'est probablement à cause de ce penchant de la mémoire que les hommes font et refont depuis 1000 ans et plus les mêmes bedoumeries. Ah, c'est dommage, évidemment, que les hommes n'aient pas même autant d'intelligence que les chats. Vous croyez, dame, si on en croit le proverbe, chat échaudé craint l'eau froide. Tandis que les hommes, il suffit de leur présenter les choses de manière un tout petit peu différente pour qu'ils retombent dans le même panneau. Et la poisson de l'affaire, voyez-vous, c'est que, comme disait l'autre, c'est toujours les mêmes qui éclatent. Dis-moi, syndic, puisqu'on parle du vieux temps, si tu nous as chanté une de ces toutes vieilles, ne pleurons pas jamais, tu l'auras même donné. Ah oui, voilà une bonne idée, et puis reprenez ça au frère, alors. Si le roi m'avait donné Paris, ma grande ville, et qu'il m'eût fallu quitter le cœur de ma mie, j'aurais dit au roi Henri, gardez dans votre Paris. J'aime mieux ma mie au gué, j'aime mieux ma mie. Ah, santé. Santé. Santé. Ah, quand il nous on y pense. C'est tout de même étonnant que malgré tout ce qui s'est passé dans le monde depuis des siècles et des siècles, les gens continuent à chanter les mêmes chansons. En effet. Quoique j'y vois une explication, c'est qu'on ne nous en apprend que celle-là. Pas plus. À l'école, oui. D'accord, mais ça n'est pas une raison. Au contraire, hein. Parce que ce qu'on apprend à l'école, il y a bien souvent qu'on se dépêche de s'oublier. Tandis que ça, non, ma foi, on ne te voit qu'à vite quand on était jeune. On chantait la tonquinole. Pardieu, oui, et la Matisse. La Caroline, et puis bien d'autres. Même qu'une fois la grande Adélaïde, qui était en place chez les gens Urf à Lausanne, qu'elle nous racontait de ses affaires à dormir debout, qu'elle leur servait à table avec des gants, qu'on lui défendait de s'essuyer les mains dans son tablier, en faisant des temps de ventard de cet accabé. Oui, oui, ça y avait monté au toupet à cette gamine. Oui. Eh bien, je me souviens qu'une fois, à une fête, elle était revenue au village, et qu'elle nous avait chanté une chanson espagnole, avec des histoires de violette. Elle se tortillait, elle roulait les airs, comme il faut, à ce qui paraît du côté de Papelune. C'est le moment où mon pauvre ami, on n'était pas loin de s'attrouver beau. Elle avait presque honte d'entonner « Ne pleure pas, Jeannette ». Tout le long du bal qu'elle s'était pavanée, qu'on aurait dit la belle Otero en train de faire une fête pour ses domestiques. Et vous voyez, ça n'empêche pas que vous les avez complètement oubliés, que vous en êtes revenus toutes vieilles, aussi inusables. En tout cas, moi, je ça comprends. Parce qu'alors, quand on entend ces chansons à la radio... C'est bien difficile, ma foi, il y a de ces gamines qui chantent rude bien. Diable me brûle si je te dis le contraire. Mais c'est ce qu'elles chantent qui me fait mal à moi. Ça est mal fait. Quand tu lis le journal et puis que tu regardes les têtes qu'elles ont... Tu vois de ces ravissantes bouèbes avec des binettes pleines de jolies rondeurs, des regards à faire sourire un mozzon. Et avec ça, bien planté, bien habillé et tout, on se dit, ben voilà des jeunesses qui ont tout pour être heureuses. Si elles chantent, on s'en comprend. Seulement quand elles chantent, c'est une autre paire de manches. Les voilà qui se mettent à pleurer, à se lamenter, à voir la vie en noir. Oh, alors, Sacavé, je suis d'accord avec toi. Dans les chansons qu'il y a aujourd'hui, quand elles causent de l'amour, on jurerait qu'il s'agit d'une maladie épouvantable, et que ça les fait souffrir, et qu'elles prêchent d'opérer. Ça vient peut-être de ce qu'elles ne savent pas choisir. J'en écoutais une l'autre jour, qui chantait ses amours avec un vagabond. Ah, oui, oui. Être un vagabond qui rêve on se demande qui a pu leur mettre en tête des bêtes d'idées comme ça. S'amouracher d'un vagabond, quand on a partout des jeunes gens pleins de santé, avec un métier, des sous et tout, et qui n'arrivent pas à trouver une femme à leur pointure. C'est révoltant. Pas s'étonner si après ça, elles ont des soucis. Il faut leur écrire un petit mot, Carviste. Tu leur dis que tu leur veux du bien, que ça te fait chagrin de les voir comme ça, triste. Et pourquoi pas? Je leur dirais, l'amour vous fait comme sa peur. Ne vous épouerez pas, ça vous passera déjà assez vite. Vous n'avez qu'à venir vous marier dans le coin. Vous vous fréquenterez le soir, au printemps. Vous marierez à Noël, et puis vous apprendrez à cuire. Pour les hommes, et puis pour les cochons. Tant pis si vous mélangez un peu les premières fois. Les jeunes mariés sont des grands bonnets. Ils ne savent pas saisir les occasions de prendre de la cendre. La première fois que vous vous tromperez, vous pleurerez. Votre homme vous causera. La seconde fois, vous bouderez et votre homme vous rôdera autour comme un indien. Et à la troisième, vous administrerez à votre époux la première agrafeille de votre vie conjugale. Ce qui fait qu'à défaut de frisson, vous aurez du moins des masses d'occupation pour vous tenir l'esprit au propre. Et là, là, avec vous au moins tout s'arrange. Seulement moi, j'ai l'impression que tout ça, ça vient de plus profond. Et que finalement, chaque époque a les chants qu'elle mérite. Oh, c'est vrai ce que vous dites, Réja. À un point que vous ne vous en rendez même pas compte vous-même. Ce n'est pas les chansons qui sont tristes, c'est les gens. Il y aurait assez de quoi tout compte faire. Mais pardine, vous connaissez la niaise quand tout le temps au village, que les jeunes ne s'y plaisent pas, que sitôt qu'ils ont un soir à os, les voilà qui prennent le train, vont par Lausanne et Dieu sait où pour s'amuser. On en vient à cette circulaire, elle vous tient à cœur. Je ne l'ai pas attendu pour me poser la question. On est allé l'autre jour avec deux députés dans un de ces établissements pour la danse qu'ils ont par Lausanne. Ouais, tu vois, ce syndic où la curiosité va se nicher. Parfaitement, curiosité. Parce que moi, vois-tu, j'ai toujours mieux aimé voir avant de causer. Ouais. Alors, puisqu'on en parle tant de ces lieux de plaisir. De plaisir, pauvre ami. Ça m'intéressait de m'y frotter de près. Alors, moi, je vous dis ça. C'est que les gens qui reprochent aux jeunes d'aujourd'hui de trop s'amuser, c'est la cause sans avoir vu. Parce qu'il n'y avait personne. C'était plein rasibus. Seulement ces chansons que vous trouvez tristes, on n'aurait pas osé les chanter là-dedans. Non, ma foi, elles auraient eu l'air trop folichonnes. Ça aurait détonné. Dieu sait si j'ai vu des choses tristes dans ma vie, n'est-ce pas? Des enterrements, des lendemains d'élections, des séances de commission au grand conseil, enfin tout, quoi. Mais alors ça, jamais. Quand nos jeunes vont à Lausanne et que nous, on tient séance de la municipalité ou de la laiterie, il ne faut pas vous y tromper. C'est nous qui faisons une bombe carabinée à côté d'eux. Oui, en faisant la part de l'exagération. Mais rien de ça. Représentez-vous des salles de grand luxe, là, bien faites, oh, bien décorées et tout, ça, il n'y a pas à dire, ils ne se moquent pas de leurs clients. Avec des lumières de toutes les couleurs qui se combattent pour que finalement ça ait l'air sombre. Dans un coin, un orchestre, des gens bien mis avec des costumes blancs et puis des épaulettes en or, enfin, comme qui dirait des amiraux à disposition, oui. Une musique, enfin, je ne sais pas comment vous dire, moi, vous avez entendu les récitals d'orgue à la radio? Bien sûr. Oui, eh ben c'est quelque chose comme ça, mais en plus sérieux, n'est-ce pas? En moins dévergondé. Alors, là-dedans, des jeunes d'estra bien mis, avec des vestons à feintes qu'ils ont sur chaque cuisse comme une ouverture de boîte aux lettres. Enfin, vous voyez ça, n'est-ce pas? Ils se lèvent, s'approchent d'une pernette qu'ils choisissent dans le temps, et puis ils dansent. Enfin, c'est-à-dire qu'en réalité, ils tiennent leur gaillarde comme si elle n'était pas tant propre, puis qu'ils auraient une fausse terrible de salir leur habit du dimanche. Il y a toujours la valeur d'une bonne main d'homme entre elle et lui. Et alors? Alors, rien. Ils marchent, puis ils se tournent qu'un rien de 7 en 14, comme ça. Ils font le tour de la salle une fois, deux, trois fois, enfin, tant que la musique marche. Oui, mais enfin, ils s'amusent, ils rient, ils chantent. Mon pauvre caviste, mais tu retardes. Chanter en dansant, plaisanter, rire. Mais c'était bon au temps de la valse ou de la sautiche. Maintenant, j'ai d'abord cru que c'était défendu par le règlement de police. Et après, je me suis dit que non. Si c'était défendu, il y en aurait quelques-uns qui riraient sous cap, histoire de faire bisquer les agents. Tandis que là, alors, rien. Mais rien de rien. Entre les danses. Ces gaillards s'embêtent tellement que le patron est bien obligé de les amuser. C'est ce qu'ils appellent des attractions. Oui, des chanteuses, des vagabonds, tant et plus, bien entendu, puis des amours malheureux et des dégobillards d'eau que si tu jouais ça à l'écurie, toutes tes vaches seraient à goutte d'un coup. Et c'est formidable. Mais non, ils ne savent plus s'amuser tout seuls, quoi. Il faut bien que la maison s'en charge. Mais alors, ta conclusion? Rien, je constate. Mais je me dis que si c'est ça l'excès d'amusement, On peut dormir bien tranquille, on ne risque rien. Ah, seulement là, syndic, vous cédez un penchant qu'on a de croire que les jeunes sont moins malins que nous. Mais pas le moins du monde. Je dis pas qu'ils sont moins malins, je dis qu'ils ne sont pas très gays. Et puis qu'ils ont diable bien de quoi. Ça leur reviendra. Pardon, plutôt qu'on ne croit. Ils ne sont pas malades, que je sache. Mais le jour où ça sera revenu, ça se verra précisément à ce que toutes ces choses tristes que les gens se pâment d'aujourd'hui avec des yeux blancs, elles nous feront rigoler. Et puis je vous en garantis que ce jour-là, on verra tout le monde entonner à l'unisson pour changer d'air une de ces toutes vieilles sans prétention où on voit un gaillard qui est amoureux puis qui ne se croit pas obligé de se suicider ou d'en déverser. Chante, chante. À votre santé. N'empêche que le calendrier même commence à en faire des siennes. Pourquoi? Je pense à la Saint-Martin. D'habitude, ça se donne bel et bien, l'été de la Saint-Martin. Mais alors cette année, il a tourné allègre. Probable qu'il se sera camouflé. Oui, et puis, mettons-nous à sa place. Supposition que Saint-Martin ait vécu de nos jours, et puis qu'il ait donné comme ça la moitié de son manteau à un inconnu. Dieu sait quelle niaise il n'aurait pas eu avec l'économie de guerre. Ah, si c'était un manteau de pure laine, il n'y coupait pas. D'accord, ce mec ne serait pas le seul. Moi, je me dis que les noces de Ghana, aujourd'hui, ne se termineraient pas sans une intervention de la police. Allez, mon coupeur de pain, monsieur l'inspecteur. Alors, route dedans. Mais on s'expliquera après. Quand je vous dis que c'est un miracle, raison de plus, je vous arrête pour usurpation de fonction. Les miracles, c'est du ressort du Conseil fédéral à Poissetour. Ok, nom de sang, allez regarder l'heure. Oui, à moins d'un autre miracle, il va y avoir de la fumée. Parce qu'au fond, la différence avec l'ancien temps n'est pas si grande. Les filles qui chantent à la radio nous avant le mariage, les nôtres attendaient la bénédiction. Mais après, c'est à peu près du même. Ouais, alors, salut Cavis. Bonsoir, messieurs. Et dans 15 jours, à la même heure. Thank you. Thank you. Thank you. À ce jeu qu'on jouait avec un gamin. On se prenait dans une pièce, tout ça, puis il y en avait un qui éteignait la lumière. Pendant ce temps, il s'agissait de savoir à qui on mettrait un bonnet d'âne. Celui qui avait le bonnet au moment où on rallumait la camoufle avait perdu et donné un gaz. Une sorte de colère meilleure, en somme. Ouais. Et puis tu as envie qu'on y joue ce soir ou quoi? Non. Mais j'ai comme une idée qu'on y joue sans le vouloir et que chaque fois on ramasse le bonnet. Vous êtes d'un mystérieux. Mais que non, que non. Je pense aux impôts. C'est quand même curieux quand on y réfléchit. Avant la guerre, on ne pouvait pas passer un dimanche sans aller au vote. On nous demandait si on voulait causer romanche ou si on pensait du régime des blés et tout. Mais c'était rare qu'ils nous mettent de nouveaux impôts. Tandis que maintenant, craque, ils ont éteint la lampe, on ne vote que quand il nous tombe un œil. Mais allons pour les impôts, ça vous dégringole dessus, comme d'un chêneau qui perce en cas de grosse averse. Alors, seulement c'est dit que je vous trouve ingrat. La lumière n'est pas le moins du monde éteinte. On a encore voté il y a à peine 15 jours à propos de 6 jurys cantonaux. Ouais, c'est ma foi, vrai. Ça fait que la démocratie, ça ressemble un peu aux ménages aux cavistes. Ah ouais? En quoi? Quand ta femme a quelque chose de pas très important, elle te demande ton avis. Ouais. Mais pour l'important, elle s'en passe. Elle commande toute seule. Et c'est moi qui paye. Pardine. Mais vous oubliez une chose. C'est que les circonstances ne sont pas les mêmes qu'avant-guerre. Le ravitaillement du pays, par exemple. Hein? Croyez-vous qu'aujourd'hui, il peut se payer avec des centimes jaunes? Bien sûr, bien sûr. On ne rouspète pas, on remarque. Mais en fait, les impôts, ça a l'air rude bien combiné. Ça vient par petite giclette de 3 en 3 mois, ça est imprimé d'avance et tout. Ça prouve bel et bien qu'il y a eu un plan. Pardon, bien sûr qu'il y a un plan. Et où vois-tu qu'on soit ingradé? Il n'y a qu'à voir. Pensez à l'extension des cultures. On ne peut pas nous donner une brique d'instruction sans nous dire sur tous les temps Monsieur Wallen a dit ça, Monsieur Wallen a sa pensée, Monsieur Wallen espérait si et ça. Que je suis convaincu que dans le temps, Guillaume Tell n'a pas la moitié autant fait parler de lui. Mais alors pour les infos, Bernic, on n'est pas fichu de savoir le nom du grand citoyen qui s'invente à mesure. Peut-être qu'il n'y tient pas. Dans le cas que ça serait à mode baisse. Ouais, mais qui n'aime pas la réclame, hein? Enfin, c'est dommage, parce que ça sera, il se trouverait bien un père de commune pour le bandard des bourgeois d'honneur. Oh, oh. On en sera quitte pour y faire une statue après la guerre. Le monument au génie méconnu. C'est ça. Et pour que le monument ne soit pas tout à fait anonyme, on y mettrait une parole historique. Laquelle? Nos ancêtres nous ont appris à en recevoir et non à en donner. Signé Bibico. Ah, ce que c'est que l'instruction tout de même. Moi, j'en avais bien entendu parler de ce Bibico, mais du diable si je m'étais douté que c'était le ministre des Finances et des Élevés. Quoi qu'il en soit, on commençait à respirer. Ah, vous trouvez? Mon Dieu, oui, parce que, enfin, à moins que le spécialiste anonyme soit doté d'une imagination exceptionnelle, on ne voit pas très bien ce qu'il pourrait encore inventer comme un beau nouveau. Pas sûr, pas sûr. À propos, moi, il y a des impôts que je n'arriverai pas à voir de quoi ça retourne au juste. Vous allez peut-être pouvoir expliquer ça. L'impôt à la source, qu'est-ce que c'est? La source? Oh, c'est assez complexe. Que non, ne compliquez pas tout. L'impôt à la source, c'est comme son nom l'indique, une impôt sur les tempéraments. C'est juste ça. Nous, chaque fois qu'on boit un verre de mare, on doit envoyer un timbre de 10 à Berne pour l'impôt. On ne voit pas pourquoi d'autres pourraient puiser les sources sans bourse de lièvre. Il y aurait aussi cette idée qui a pris corps à Lausanne. À Lausanne? Et qu'est-ce qu'ils ont encore inventé, ces fingriers de la capitale? Ah, ils parlent dur et ferme d'un impôt sur les chats. Bravo! Respect pour eux, ça c'est la toute fine idée. Surtout que ça créerait bien de l'agrément pour le village. Tu vois, syndic, tu le vois, notre régent, en train de courater les gouttières avec le boursier pour faire le recensement des chats, hein? Ouais. Et qu'il faudra encore surveiller toutes les nichées, mais jamais. Au bout de quelques mois, ce pauvre régent, il ne lui resterait plus que les cartilages. Mais à propos, non. Savez-vous pourquoi ces chats font des fois tant de ratus des nids qu'il y a? Caviste, veux-tu bien être convenable ou quoi? Ne t'inquiète, c'est tout ce qu'il y a de plus vrai. C'est le grand Aloïs qui m'a ça eu raconté, parce qu'il l'avait observé. Paraît que sa chatte et son chat se fréquentaient un soir dans le pré Unicet. Ouais. Ils se promenaient gentiment en se donnant le bras. Lui, il lisait ses moustaches, puis elle faisait de ses petites manières d'une qui ne veut pas avoir l'air de s'y laisser prendre. Ça fait que ce chat qui avait quand même de l'amour propre, il se dit, ma foi, ce que j'en fais, c'est moitié par politesse. Si ça a l'air de la gêner, je m'en voudrais d'être indiscret. Ça fait qu'il continuait la promenade en causant de la pluie et puis du beau temps. Mais le corps n'y était plus. Bon, m'a tout pensé à autre chose. Brusquement, le voilà qui s'arrête. Il dresse l'oreille et se met à l'affût. Diable que se pense la chatte, est-ce que je l'aurais vexé ou quoi? Ça fait qu'elle se rapproche un peu et il fait un sourire un peu plus avenant qu'avant. Mais Bernic, c'était trop tard. Mon matou avait entendu une souris, elle le voilà à la chasse. Brrr, la souris passe, le chat y galope après. Et voilà ma pauvre chatte toute seule est en train de devoir rentrer sur la pointe des pieds en se cachant, crainte que ses connaissances se moquent d'elle. Ouais, alors? Et ben alors voilà, depuis ce jour les chats ont appris. Et quand elle se promène avec les chats dans le courant de la nuit, elle font des cicléilles uniquement pour faire peur aux souris, que ces sales bestioles ne viennent pas leur distraire leur fiancé. Extrêmement curieux. Ah, c'est comme ça, quoi. Oui, ben les bêtes, ça est souvent bien plus compliqué qu'on ne croit. Mais on leur suppose souvent des vilaines manières parce qu'on les juge d'après nous. Et il est de fait qu'on voudrait bien savoir parfois ce qu'elles pensent de leur maître. Ce ne serait peut-être pas très flatteur. Bien, moi, j'ai eu connu une vieille demoiselle qui habitait par Lausanne. J'allais y porter des pommes de terre toutes les années. Elle m'offrait du Malaga. Ah, bah! Oui, oui. Elle se croyait de me faire plaisir, tout. Enfin, bref, elle avait un petit chien, oh, une bestiole de luxe de ces bêtes qui ont des maladies des chrétiens. Qu'elle se laisserait crever de faim devant une noce si on ne leur avait pas mis leur bavette. Avec une fois, j'arrive, il n'y a plus de chien. Je m'en suis aperçu tout de suite parce que cette bestiole commençait à aboyer avant qu'on ait pesé sur le bouton de la sonnette. J'entre, Malaga et tout, enfin, et en cause, quoi. Alors, votre petit chien que j'ai fait, l'avez-vous vendu? Oh non, j'ai dû l'endormir, qu'elle me fait. Vous comprenez, dans ces maisons à 5 étages, si les bêtes ne se tiennent pas bien, ça fait des affaires avec les locataires. Oh, et il était mal élevé, votre chien? Moi qui me serais cru qu'il était sage comme une image. Ah, je te vois, Sadik, en train d'y caresser l'échine à la vieille demoiselle. Oh, que veux-tu? C'était en un temps où on était bien content de trouver des gens pour vous les acheter, les pommes de terre. Ça n'était pas comme aujourd'hui, Mardine. D'abord, qu'elle me fait, c'était une chienne. Et c'est ce qu'il a perdu. Comment est-ce idiot possible? Il s'est passé que je n'y ai rien compris du tout. Elle a commencé par devenir triste. Elle rôdait dans cet appartement avec les oreilles toutes flétries. J'avais beau y faire ce qu'elle aimait le mieux, du pudding au pain avec une goutte de rhum, des omelettes aux champignons, rien n'y faisait. Et voilà qu'un jour que j'allais chez une amie, je monte dans le tram. Et là, figurez-vous, monsieur, qu'il y avait un affreux loulou, pas même de race pure, qui lui vient contre en faisant un bal épouvantable. Oh, ma louloute, c'est bien défendu, allez. Et grâce au contrôleur, j'ai pu arriver à la ravoir et éloigner d'elle cette sale bête, que ça ne devrait pas être permis qu'il y ait des animaux si mal élevés dans les trams. Ah ouais? Et alors? Alors, cette pauvre louloute, ça lui a définitivement donné du noir. Figurez-vous que depuis ce jour-là, elle ne pouvait plus voir passer un tram sans se mettre à pleurer. Elle se mettait à la fenêtre, puis elle hurlait que c'était à fin de l'âge. Enfin, qu'a ajouté la demoiselle, ces petites bêtes, c'est impressionnable, car ça a eu peur une fois. Parce que tu es bien sûr que c'est la peur qui la faisait commencer à pleurer après les tables. Puisque la demoiselle me l'a dit, voyons. Oui, mais c'est là qu'on voit. Si à la place de cette demoiselle bien qui ne pouvait avoir que des idées de première fraîcheur, ça avait été une route de ta sorte, tu aurais encore été capable de trouver à ce chagrin une toute autre explication, hein? Et là, oui, les bêtes sont des fois il y a des criés bien à tort. Et un écrivain remarquait un jour que la différence entre les animaux et les hommes, c'est que, par exemple, un chien comprend toujours ce que lui dit son maître, tandis que le maître est rarement capable de comprendre ce que lui aboie son chien. Bien dit. Et c'est comme dit ma femme, si les chevaux se conduisaient comme les hommes à la foire, les rentrées seraient, ma foi, bien difficiles des jours qu'il y a. Oui, oui, mais il arrive que ça joue le tour, justement, de trois filles, je les bête. Je vous ai eu raconté ce qui est arrivé à deux gaillards au comptoir, un de par la côte, puis un autre du Jorin. Non. Ah, hein? Tiens, il semblait que je vous l'ai raconté pourtant. Il se trouve deux, un de par Jumelle et un, je crois bien qu'il était de Verrio-Grebon. Ou alentour. Bref, ils se rencontrent en train. En train de boire un verre, puis ils sortent. Et puis ils attellent pour repartir au comptoir, contre chez eux. Ils avaient leur char voisin, ce qui fait qu'ils se sautent au cou. Toujours au soif. Salut Agénor, salut Alcide. Et une reconnaissance de tous les diables. Je trouvais qu'ils avaient fait je ne sais plus quel cours de répétition ensemble. Puis les souvenirs communs leur giclaient par tous les bouts. Ça fait que forcément, ils se disent, on ne peut pas se quitter comme ça, sans repartager encore une fois un flacon. Ils abandonnent leur char un moment, et en route pour la cave vaudoise. Naturellement qu'une fois dans cet endroit. Mais voilà, bien amarrés, d'autant qu'ils avaient trouvé une table garnie de joyeux lurons, en regardant au-dessus, les mentons en là, on aurait dit un carreau de tomates, tant ça luisait. Une bouteille, deux bouteilles, bref, grande séance plénière avec dégustation, recafé et tout le tremblement. Heureusement que ça se fermait à 8 heures juste, de manière qu'il aura bien fallu sortir vers les 8h30, 9h moins le quart. Ils vont vers le char, ça raconte encore une toute bonne, celle qui vous arrive toujours aux alentours de la Garguette au fin moment de s'en aller. Et départ, salut Agénor, adieu Alcide. À propos, es-tu marié ou quoi? Plutôt deux fois qu'une. J'habite dans un vallon où il y a de l'écho, ce qui fait que quand ma femme, je l'entends de tous les côtés à la fois. Quelle chance tu as, comme ça tu as encore de la conversation à rentrer. Ils montent sur les chars et puis départ. Les juments prennent le petit trot, mes deux gaillards se caillent, chacun sous sa couverte, et rien ne se passe jusqu'à vers les 10-11 heures au moment où les voilà chez eux. L'Alcide, celui de Jumelle, j'étais bien réveillé un paire de fois en se disant, je n'ai pas ce qu'elle a cette jument. Elle n'avait rien à savoir trotter ce soir. Elle sera fatiguée. Oh, La journée est bien en avant, bah, y a rien qui presse. Puis il se recaille. Jusqu'au moment où le cheval s'arrête, ce qui réveille mon gaillard. Déjà arrivé, qui se dit. Tonnerre de tonnerre, moi qui croyais que la jument était lente. On est rentré moitié plus vite que d'ordinaire. Il descend du char, dirige vers l'écurie, mais alors là, rien de fait. Il se frotte les yeux. Du diable, où est-ce que je suis? Qu'est-ce que ces gaillards du comptoir ont donné comme drogue à cette jument? Elle m'a mené dans un endroit qui n'est pas le bon. Il se rôde autour de son char, regarde sa jument. Et juste comme il est en train de se dire que ça n'était pas la sienne, le voilà qui entend une voix qui crie « Ingénieur, te voilà bien toujours le même, que tu m'avais promis de rentrer pour cette heure à pour attacher à ceux du conseil !» En plus, il y avait un écho qui te répétait les mots aux quatre vents du ciel. De la manière que ces gaillards s'étaient trompés de cheval. Tout juste, et comme ils avaient causé tous les deux, qu'ils avaient dit « U » en même temps, chacun à sa manière, les juments ne s'étaient pas aperçus de la différence. Mais on ne peut pas demander à des bêtes de supposer que les hommes puissent en avoir une couche pareille. Hein? Ah non, mais j'en reviens à mon Alcide, une femme qui se tente. C'est pourtant pas possible que tu te sois marié, mais quand même, on a beau être embrié, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et puis il y a les publications qui sont là justement pour éviter ces décisions mal réfléchies. Que bref, de fil en aiguille, il a fini par comprendre. C'est alors que cet Alcide s'est ressouvenu de la route. Pardieu! Si la jument allait doucement, c'est que ça monte rien de plus pour aller à Rio Gros Bon que pour aller vers Jumelle. N'empêche que ça a dû faire bien des histoires jusqu'à ce qu'il soit arrivé à se détortiller. Pas même. Ils sont rentrés tous les deux par le train. Le lendemain, la Génor en a été quitte pour se mettre de la ouate dans les oreilles. Rapport à ce que le lendemain a forcément été jour de conférence. Et là, c'est un peu comme ça, avoir les avantages du mariage sans l'inconvénient de la durée. Santé. Santé, Sadik. Santé, monsieur le régent. À votre bonne santé. Mais oui, Sadik. Allez, ne te retiens pas. Anton. Dans notre beau canton de Vaud, on est travailleurs, c'est notoire. Moi, par exemple, levé tôt, je peine jusqu'à la nuit noire. Creusant sans jamais me lasser, mon sillon dans la terre brune. Mais je n'aime pas me presser, on n'est pas beau doigt pour des prunes. Je ne vais pas au cabaret, et je ne fais jamais ribote. Au coin de mon feu, je me plais, près de ma femme qui tricote. Mais quelle que soit la saison, et lorsque la soif m'importune, je vais boire un verre au Guillon, on n'est pas vaudois pour des prunes. Je ne suis pas un grand lecteur, je lis ma feuille accoutumée, que je parcours avec lenteur, quand j'ai terminé ma journée. Parfois j'achète un livre ou deux, suivant l'état de ma fortune. Et puis le messager boiteux, on n'est pas vaudois pour des prunes. Au serment je ne vais hélas que rarement et ça me peine. Le dimanche ne faut-il pas gouverner comme la semaine? Monsieur le ministre, pourtant, ne m'a jamais gardé rancune. Il est de fait, moi, dit Bonin, on n'est pas vaudois pour des prunes. Voyager ne m'a jamais plu, et je n'ai quitté ma demeure que lorsque mon père a voulu me mettre en échange à soleur. J'y restais 8 mois seulement, puis je revins dans ma commune. Sans avoir appris l'allemand, on n'est pas vaudois pour des prunes. Santé! Dis-moi, Saint-Dic, quand j'ai passé devant chez toi, j'ai lancé un coup d'œil par la cuisine. Il m'a semblé que ça sentait rudement le quenu. Aurais-tu des visites demain? Oh là oui. Des parents? Oh, parents remués, enfin. C'est-à-dire que le dimanche du jeûne, j'ai eu un cousin de ma femme qui est venu avec sa famille. Sa femme, trois gosses et la bonne. La bonne? Ben oui, pour porter les paquets. Et alors, on a un peu causé de ci, de ça. Vous pensez bien, n'est-ce pas? On ne les avait pas revus depuis bien longtemps. La dernière fois qu'ils étaient venus, j'étais encore jeune. C'était... Pardieu, m'étonnerait pas que ça y était pendant l'autre guerre, oui, vers la fin. Curieuse coïncidence. Ben voyez-vous, ça ne m'avait pas frappé, mais oh, ça doit être au hasard, oui. Enfin bref, on a causé de la famille, et puis le dimanche d'après, ils sont venus le frère et la belle-sœur de cette cousine de ma femme. Avec la bonne? Non, avec un sac de montagne. Que forcément on a causé, et puis c'est comme ça qu'on a appris. Ils avaient un neveu qui est vaguement parent avec nous. Oui, ça se rencontre comme ça, n'est-ce pas? Et c'est ce neveu qui vient demain? Non, lui, il est venu dimanche dernier, non? Demain, c'est son beau-frère. C'est pour dire que si on est de parents, ça va quand même chercher bien loin, n'est-ce pas? C'est le cas de dire que le malheur rapproche bien des gens. C'est bien agréable de se sentir comme ça, entouré de tous les côtés. Oui, ça fait plaisir. Enfin, en un sens, ça est bien naturel. Avec cette campagne qu'ils ont fait pour la famille, il y en a bien que ça aura fait réfléchir. Avec moi, je vois ça comme ça, n'est-ce pas? Ils auront pris un album de photographies, ils se seront creusé la tête pour reconstituer toute la parenté. Après quoi, ils se seront dit, ben, il y a le cousin de par là-bas, ça serait indigne de nous ne pas y aller faire une visite une fois, parce que la famille, c'est sacré. Entre nous, c'est dit qu'il faut les comprendre. Nous, à la campagne, on a des restrictions, d'accord, mais rien à côté de la ville. Mais qu'est-ce qui vous dit le contraire? Des visites, moi, ça me fait bien plaisir. Et bien sûr, ça n'empêche que j'ai cru percevoir dans vos propos quelques malins sous-entendus. Faut croire que je me suis mal exprimé. La sœur de ma femme qui habite en ville dans un immeuble de 5 étages me raconte dans une lettre qu'ils sont littéralement gelés. Le propriétaire leur disait, on ne peut pas chauffer, le combustible n'est pas encore venu. Ça fait qu'un jour, elle voit arriver un char avec des sacs de charbon et tout. Bon, elle se dit. Voilà en face de notre assise. En effet, le conducteur sort et appelle la concierge. Hé, concierge! Et quoi que lui répond la concierge, qui était au 5e à la chambre à lessive? J'apporte le combustible. Écoutez, j'ai pas le temps de descendre. Mettez-le dans la boîte aux lettres. Je le prendrai en passant. Oui. Dans ces conditions, pardieu, bien sûr qu'il va falloir joliment se souffler dans les mains. Ça n'empêche que ça doit être un peu long. Et en fait, dit que c'est dimanche avec des gens qu'on ne connaît pas. Wow, ils arrivent au train de 9h30, ça fait qu'on n'a qu'à s'emmoder pour les 10h. À midi, on mange une brique de la moindre des choses. À 4h, ces dames prennent le thé, alors moi je vais avec le cousin à la cave. Bien sûr que ça ne vaut pas les distractions qu'ils ont en ville. Ça va, ils s'y mettent joliment, puis ils font effort. Pour avoir l'air de s'y plaire. Ce qui fait que de tonneau en tonneau, l'heure du souper est vite là. Pardon. Oui, mais quand même, rester comme ça tout le jour dedans, sans même se dérouiller les jambes. Oh, ben ne t'inquiète, on sort aussi, pense de voir. Des gens de la ville, ils n'ont que le dimanche pour prendre l'air, pas? Alors ils ne demandent qu'à se promener, ne serait-ce que pour en sacher un peu. On fait chaque fois un petit tour après dîner. Et puis le paysage est vraiment magnifique, ce lac, ces Alpes, ces vignes. Oui. Et puis, c'est chou rouge. Route de Saint-Nic, ce qui fait que la bonne est de la promenade, quoi. Pardieu, oui, et le sac de montagne aussi. Oh, que si on nous attendait, on finirait pas passer pour des avares. Quoi, les gens nous connaissent ou quoi? Et moi, je me dis, tout ça, c'est bien gentil. On a tout à gagner de se connaître un peu. Ça donne l'occasion de causer, on se renseigne tout. Oui, c'est bien sympathique. Seulement, c'est un peu comme le plan Wallon. On voudrait bien avoir des assurances qu'on pensera un rien à nous après la guerre. Ce serait dommage, quand on a bien fait connaissance, de devoir de nouveau attendre 25 ans pour se rencontrer. Ah, il faut tout de même rien exagérer. Je me souviens quand j'étais tout gosse, on avait un cousin, régent par Lausanne, qui venait nous voir chaque année, guerre ou pas guerre, alors. Même que moi, je guettais son arrivée, passez voir, parce que c'était grand jour. Brisselet, gâteau à la résinée et tout. Ça comptait qu'il m'apportait toujours un petit quelque chose. Il arrivait avec un petit cornet rose, il le donnait à la maman en disant « Voilà pour le gamin !» C'était des caramels au mélange, des drops, du Oh, on n'était pas si fin avec que maintenant, Bardine. avec deux sous de cassonade ou de brisure, tout le village avait le museau luisant pendant une matinée. Le pire, c'est qu'une fois mon gaillard arrive, il y avait lui, sa femme, une grande sèche qui sentait la savonnette, et puis un gamin, une sorte de petit lait, qui ne savait pas où mettre ses mains, puis qui faisait un contour pour ne pas marcher dans une beuse. Bref, ils entrent, ils vont à la chambre, et ils se mettent à causer. Moi, ça faisait pas mon affaire. Ça fait que j'entre aussi, je me plante en face du cousin, j'y dis, « Dis-moi, cousin, et le cornet ?» Oh, j'ai compris que quelques années après, pourquoi mes gaillards rigolaient comme des bosses. Pardon, ça c'était doux, quoi. Mais alors, le triste, c'est qu'il fallait rendre la visite. Alors ça, j'en avais la chair de poule pendant 15 jours à l'avance. Et montez. On devait se tenir tout le dimanche dans une petite chambre, à trois sur un canapé, et puis pas une minute que j'avais sans que je sois obligé de réfléchir avant de remuer, faire attention de ne pas salir, de ne pas redoubler les tapis en posant une chaise, se tourner quand on se mouche, ne pas faire du bruit en mangeant, ne pas mettre ses coudes. Je sais pas ce qu'ils n'avaient pas inventé pour se gâter l'existence, ces gaillards. Ah, c'est l'éducation, que voulez-vous? Mais d'accord, pourvu que ça ne vous empoisonne pas la vie. Mais chez ce cousin, il semblait que la vie ne servait qu'à montrer qu'on a des bonnes manières. C'est pire que tout. Les meilleurs moments, on était complètement moulus. Tenez, c'est un peu comme si nous, on décidait que chaque fois qu'on va à la cave, on doit faire d'abord tout un tas de chimagrées, trois fois la pièce droite, camber la maman saute mouton, un saut périlleux, et descendre les escaliers de la cave sur un pied. Ça n'aurait pas plus de sens que leur manière à eux. Et puis ça aurait comme résultat qu'on y regarderait deux fois avant d'aller goûter le nouveau. Ah, m'étonnerait tout de même. Voyez, enfin, tes manières de causer, n'est-ce pas? Santé. Oui, à la santé des cousins de la ville. À notre bonne santé à tous. Ça n'empêche que tu devrais faire attention, syndic, avec ta nombreuse famille. Ah oui? Et à quoi? Aux proportions gardées, ce serait tout vite un peu comme ça se passe sur le plan fédéral. Regarde nos confédérés de Suisse allemande, quand ils viennent par Lausanne. C'est pas bien sûr uniquement pour étudier les voûtes de la cathédrale. Tu n'as qu'à aller les voir dans le train de Berne. Sitôt passé le tunnel de chèvres, tu les vois qui se lèvent, qui regardent ce vignoble, et ils se mettent à ravaler leur salive que si Lausanne n'était pas tout près, tu les verrais courir au wagon-restaurant. Bon, là-dessus, les voilà partis dans un puissant échantillonnage. Trois de Lavaux, trois de la Côte, trois d'Aigle, une bouteille de Desallais, toute la gamme, quoi. Avec de ces petits airs complices qui font plaisir à voir. Le soir, ils chantent pique-dans, ces lieux, avec des bouches à manger une enfant. Seulement, voilà, le lendemain, ils se retrouvent dans leur Steffisbourg, avec un mal aux cheveux qui se propage jusque dans le boc. Eh bien, qu'est-ce qu'ils disent? Quelle foire on a fait dans ce canton de Vaud? Pas plus, au contraire. Il nous répétait à tout un chacun, « Ah, c'est vos doigts, c'est fou ce que ça peut boire. » Et forcément, voyons, ils n'ont regardé que dans leur verre. Ils n'ont pas pu voir autre chose. Eh ben, nous aussi, on est comme ça. On n'est pas capable de dépasser le pont de Saint-Maurice sans manger des raclettes à partir de 10h du matin. Mais après, hein, ceux qui en mangent trop, on se dépêche de les traiter de valaisans. Est-ce que le grand conseil de par là-bas a bien compris? Allez. Vous avez vu cette discussion à propos de ces réceptions? Non. Ben oui, c'était dans les papiers. Tous ces inspecteurs fédéraux qui se ramenaient par Sion. Voilà mes gaillards qui se croyaient obligés de leur garnir la figure. Et pas avec une branche de persil, je vous en garantis. Raclette, poulet, tournée en cave, viande séchée, etc. Seulement les inspecteurs, quand ils s'en retournaient par Berne, ils faisaient leur rapport. Et forcément que leur rapport, ils ne le faisaient pas le même jour. Ça aurait été du propre, oui, je pense aussi. Tout ça composait le lendemain avec un fort mal de tête. Ça fait que toute leur mauvaise humeur s'était bandée. Les Valaisans qu'ils écrivaient, ça regorge de tout, que c'en est positivement honteux. Ils présentaient leur tournée de cave comme des inspections dans les ports, mais hardi. Les Valaisans se trouvaient accusés d'avoir caché de la marchandise. Oh, ce que le monde peut être méchant tout de même. N'est-ce pas? Eh bien, ça dit que c'est justement à ça que je te dis de faire un peu attention. Tu vas voir que quand toute la ville de Lausanne aura eu défilé chez toi, ça va faire courir des bruits. Tes cousins vont se croire que c'est tous les jours la même cuisine chez le cousin de la campagne. M'étonnerait encore pas qu'ils t'accusent de camber les jours sans viande. Quand même, alors ça serait trop mal intentionné. Invraisemblable. Et à moi la peur, si un beau jour tu ne te trouves pas accusé d'avoir dans ton saloir un rien de marchandise de plus que permis. Oh, tu sais quoi, Viste, on a beau dire et beau faire. On finira toujours par se mettre sur la langue des gens. Alors tout compte fait, l'important c'est encore d'être en règle avec sa conscience. Et un estomac bien lesté, rien de tel pour vous donner la conscience tranquille. Quel paillère on a pour un raisin tout de même. Ah, ça ne m'étonne pas qu'après avoir été à votre école, les gamins soient devenus tellement pareillement insolents. Ça y est, c'est moi qui devais finir par me faire attraper. Non, c'est ton gamin qui ne va pas ou quoi? Non, c'est la fille. Oh, bon, dire qu'elle ne va pas, ce serait beaucoup dire, mais enfin, c'est temps. Et le grain, je t'en sais plus. Ah ouais? Pourquoi? C'est la langue nue que le dit. Je l'ai toujours rebouillé par cette cuisine, ça y donne du noir. Ça n'était rien jusqu'à il y a quelques jours, mais voilà, c'est pas que depuis qu'il y a eu ce reportage à la radio. Là, voilà, sans dessus-dessous. Quel reportage? Sur les femmes soldats. Ouais. Mais oui, qu'elle m'a fait, quand je pense que nous, on est là tout le jour, en marion graillon, à pousser dans cette maison, qu'on ne voit ni rien ni personne. Et puis il y en a qui reçoivent des beaux habits, qui écoutent des conférences, qui chantent tant que le jour est long et tout. Ça dépend juste. Elle ne voulait pas s'engager ou quoi? Dur comme fer. Elle ne rêve que de ça. Oh, charrette de charrette. Quand on lit dans les papiers qu'il y a des femmes soldats, on ne réalise pas. Mais quand on pense que la fille au caviste veut faire son service, ça alors, ça vous a de l'allure, hein? Ça brille d'un 20e siècle. On aura tout vu. Non, mais caviste, tu te représentes ce que serait l'existence si ta femme passait ses soirées à te raconter ses souvenirs de service. Oui, enfin, je crois que grâce à ce concert militaire, ça y a passé. Ah, elle n'aime pas la musique? Que oui, seulement, c'est comme dans tout. C'est toujours les femmes qui ont le dernier mot. Nous, on grogne, on se croit de faire de l'effet en tapant sur la table, puis rien. Tandis que ma femme, elle ne disait rien. Bon, cette idée de service militaire, ça avait l'air même de lui sourire. Moi, je me disais, est-ce que par hasard, elle serait de merde? Oh, quand même! Bon, monsieur Jeanne, ça fait qu'hier, on causait à la radio de ce concert avec ces 400 musiciens et tout, qui se promènent dans le canton. Puis je vois la femme qui prend son air le plus finaud pour dire, moi, je les plains quand même, ces gamines. Quelle gamine que j'ai fait? C'est une femme soldat. Ah? Et pourquoi que tu les plains? Donc, te voir, avec cette tournée qui pense et fanfare à un concert par jour, et chaque fois en tenue de gala, paraît qu'elles sont une vingtaine de ces services féminins qui travaillent nuit et jour à te leur pousser ses cuivres. Ça fait que moi, je suis un chéri comme de juste. Ah, ça fait l'effet. Pardine, c'est que la gamine, ce qu'elle aime le moins, c'est que chaque fois qu'on doit pousser les bassines à confiture, elle fait la pote pendant deux jours qu'on se croirait qu'on est marié avec. En tout cas, aujourd'hui, il n'a pas été question de service militaire féminin. Oh, ben c'est dommage, parce que moi, je me dis que pour le cortège du 1er août, ça aurait eu rude de pampon d'avoir une militaire pour porter le drapeau. Oui, oui, je n'avais pas pensé à ça. Montez, moi qui laisse passer l'heure. J'ai encore tout un fourbi à mettre en ordre pour pouvoir recevoir mes visites demain matin. Tu as raison, ça va être l'heure. Puis alors demain, fais attention. Ne fais pas ton malin avec ta marchandise. Ne t'inquiète pas, j'y prendrai garde. Enfin, tu peux pourtant pas laisser partir des cousins sans le moindre petit saucisson entre la veste et le gilet ou quoi? Mais alors, il ne faut pas exagérer ni d'un côté ni de l'autre. Parfait. Alors bonsoir, messieurs. Bonsoir. Dans 15 jours. Et à la même heure. Thank you. Thank you. Thank you.